Enfin, j'ai un problème, oui. Tous ces bouffons qui flippent dès qu'ils aperçoivent un black. Tu t'adresses à un arien pure race, alors tes plaisanteries, tu te les gardes. T'es rien, t'es un esclave. Je vais te dresser un coup de ceinturon, Maciak. Je devrais ramper à mes pieds. That's holy papapanam. Voilà ce que le people réclame. Et d'une âme qui sort de femme, consommer les âmes sur le macadam. Ou j'aille d'une âme aux âmes. Afin que le FN soit trop d'aille. Que brûle ton âme, le pète sous ta flamme. Assieds-toi ton régime national. Impossible de rester muet face aux montées du Front National. Trop de défilés nazis dans les urnes des mairies. Y'a scandale, ils nous la brisent la vie. La FN patrie. Leur espoir repose sur la victoire de Jean-Marie. Bécassine des mots pécho. Je te rappelle les slogans inscrits dans ton étendard. Liberté, égalité, quelle fraternité pourrais-je avoir avec des gens xénophobes qui foutent le racisme au goût du jour, qui sortent propagande scande pour les frères, afin que les Français ignorent gobe l'épilogue de ces vers, fixés aux éloges de guerre et stopper l'élan de l'adversaire, la force du catalan en missionnaire. T'es certifié quand t'es facho et on vient boycotter les meetings où les droits de l'homme sont bafoués par leur doctrine. Mon peuple est victime d'un génocide et à chaque saison plus de crimes frontiers puis commettent des homicides. Est-ce sous-marin pour nouveau skin? On a attendu plus de 20 années pour que Mandela sorte de tout. Mais sur la métropole, c'est toujours l'apartheid à vitrole. Le FN monte en flèche, est-ce nos victimes qui s'affolent? Racaille DJ Mujahideen, état flamand coupe le pétrole. Dans Soli Papa Panam, voilà ce que le people réclame. Et d'une âme qui sort de femme, consomme les âmes sur le macadam. Mujahideen à vos âmes, afin que le FN soit trop d'aille. Que brûle ton âme, le pète sous ta flamme, assieds-toi ton régime national. Dans Soli Papa Panam, voilà ce que le people réclame. Et d'une âme qui sort de femme, consomme les âmes sur le macadam. Mujahideen à vos âmes, afin que le FN soit trop d'aille. Que brûle ton âme, le pète sous ta flamme, assieds-toi ton régime national. Nombre numéro 13 se cherche tous en quête de spiritualité. Là où la vérité leur est cachée à tous ces diverses actualités. Mieux vaut tard que jamais de voir le règne du front nazi tomber. C'est pas de mal avec, on viendra tous à bout de ce système sans pitié. Trop de querelles dans les cités, les mains sur les glocks à se demander qui creuse les trous dans les blocs et qui seront les futurs. Négros et micros servent de bouche-trou pour une seule unique France aux Français. Hélas, la plupart passe à l'excès, Jadai, Malik et Macron. Mais dis-leur qu'ils tirent dès maintenant si c'est nous qu'ils veulent tuer. Qui cesse de prier le Satan pour voir miracle un soldat tombé. Tente d'aller de l'avant, mais la pression ne fait que s'accentuer. Trop de mauvais mouvements à la tentation, tu les dois succomber. Mais qu'ils tirent dès maintenant si c'est nous qu'ils veulent tuer. Qu'ils cessent de prier le Satan pour voir miracle un soldat tombé. Tente d'aller de l'avant, mais la pression ne fait que s'accentuer. Trop de mauvais mouvements à la tentation, tu les dois succomber. Ben Soli Papa Panam, voilà ce que le people réclame. Et d'une âme qui sort de femme, consomme les âmes sur le macadam. Mujahideen à vos âmes, afin que le FN soit trop d'aille. Que brûle ton âme, le pète sous ta flamme, assieds-toi ton régime national. Dans Soli Papa Panam, voilà ce que le people réclame. Et d'une âme qui sort de femme, consomme les âmes sur le macadam. Mujahideen à vos âmes, afin que le FN soit trop d'aille. Que brûle ton âme, le pète sous ta flamme, assieds-toi ton régime national. Dynam, Charles Arangaine, j'suis à rêve, bref, j'ai la haine. Face au FN, les Français marmots sèment la peine. Apprennent aux marmots à porter l'emblème de Le Pen. Avoir l'étoffe en tout cas l'air d'Adolf Hitler. S'entraîne ta cramée comme au temps de la croix gammée. S'entraîne ta formée au fil du temps, une seule gammée. Condés sont leur rang, rendois en compte. Plein d'aides adhérents, le décompte est aberrant en tant que compte des chiens errants. Mon mélange vient et nique sa fissa, mais la ravia. Dérange, préviens la mafia, même si algérien. À part ma force pour la Corse, avant tout algérien. Pas moisi, pas rien, nazi bon à rien. Vas-y, à quand l'infiltration de ces voyants? Qu'ils comprennent enfin les soupirs de mes skins, des miens sans fin. Face au sourire que leur ont fait les skins, parce qu'ils s'appelaient Mohamed ou Mamadou et pas Damien. Les chandelles s'allument en guise de deuil. Des mères pour leurs fils recueillent la censure. Gâtent les jeunes sur le bitume sans même qu'ils le veuillent. Laissés seuls sur le seuil dans la brise à l'affût du mauvais œil. Ils en craignent tout un